Chapitre 24. 2163, année Hupléenne. L'aube aux doigts verts s'étirait sur les villages de la région intertropicale. Les champs des espèces nocturnes étaient petit à petit remplacés par ceux des diurnes. Chaque matinée, l'agacement de l'état-major s'intensifiait puisqu'il devait rendre des comptes aux comètes qui commençaient à manquer de patience et réclamaient la fin du conflit. Luto avait totalement été libéré, alors que la surface de ce continent était bien plus importante. Et en Io, une année hupléenne et demie s'était écoulée, sans que rien n'évoluât. Tant que les otages n'étaient pas directement menacés, l'OMPC se refusait de lancer une offensive. Les mercenaires ne pouvaient faire l'objet de tirs que s'ils se montraient violents. Dans la plupart des camps, les mercenaires étaient à bout de nerfs, supportant de moins en moins cet état de siège. Ils n'étaient pas habitués à rester bloqués dans un si petit périmètre, et l'ennui s'était installé depuis longtemps. Le camp du commandant Perric reflétait l'activité quotidienne des mercenaires dans la situation actuelle. Les Niphiens étaient gardés entassés dans deux ou trois huttes, avec toutes les pilules alimentaires convenant à leur espèce, et n'avaient qu'une sortie par jour d'autorisée. Les mercenaires occupaient le reste du village, relayant de jour comme de nuit la garde devant les huttes et aux abords du village. Ils se couchaient tard, traînant autour du feu de camp, et se levaient éventuellement quand Réas était au zénith. Quelques-uns avaient du mal à se contenter de ne rien faire, et s'activaient d'une manière ou d'une autre. Mais ceux-là étaient minoritaires, et leurs collègues laissaient volontiers accomplir les besognes du camp. Mettre de l'ordre, s'occuper des otages, réparer une toiture, ou aller chercher de l'eau ou du bois, escorté d'un otage. Au centre du village, là où le feu de camp brûlait chaque soir, la carcasse du Niphien dévorée par les mercenaires du commandant Perric, et lui-même, était empalée à une lance, et fixée à l'horizontale au-dessus des braises mourantes. Les membres avaient été coupés. Il ne restait que la tête, débarrassée de son cerveau, et la cage thoracique traversée de la lance. C'était le seul village à avoir transformé un otage en repas. Mais beaucoup d'autres avaient réservé ce sort à leur Haldorion, qui était devenu inutile, les commandants n'ayant plus de compte à rendre à la source. Ils lui en voulaient même de leur avoir ordonné de se réfugier dans les villages. La source seule était responsable de leur situation. Il était une heure avancée de l'après-midi, et le commandant Perric n'avait toujours pas mis une patte hors de sa hutte. Un des mercenaires se risqua à aller frapper à la porte une fois, puis deux, et n'obtint aucune réponse. Il s'enquit rapidement auprès de ses collègues si quelqu'un avait vu leur commandant aujourd'hui, et ils répondirent tous par la négative. Devait-il s'inquiéter ? Il fit le tour de la hutte pour tenter d'apercevoir quelque chose par la fenêtre obstruée d'un rideau de paille, avant d'éventuellement prendre la décision d'enfoncer la porte. Le rideau ne dérangea pas sa vision longtemps, et pour cause, à peine le poussa-t-il qu'il tomba au sol. Le mercenaire se pencha pour introduire sa tête à l'intérieur et distingua de la boue, ce qui était assez étrange puisqu'il n'avait pas plu depuis des jours. Il se hissa de ses membres supérieurs dans la pièce et appela d'un timide « Commandant ?» qui demeura sans réponse. Il contourna la flaque de boue qui s'écoulait vers la porte d'entrée. Porte devant laquelle une masse sombre était affalée. Les pièces s'assemblèrent en une seconde dans la tête du mercenaire, qui comprit que la masse était le corps de Perric et que ce qu'il avait pris pour de la boue était son sang épais. Il s'approcha du corps inerte, le bouscula d'un membre inférieur pour provoquer une réaction. Rien ne se passa. Il se pencha enfin sur la dépouille, la fit rouler sur le côté pour mieux révéler les blessures ayant causé le saignement. La gorge était ouverte aux deux tiers, la trompe tranchée, le visage et le ventre lacérés de ce qui ressemblait à des griffures profondes. Un œil avait été arraché. Le mercenaire roula encore le cadavre pour dégager la porte et appela les autres. C'était qui cette nuit qui était de garde? C'est nous deux. Rien on a entendu, hein. C'était calme. Sûr, hein. Entendu rien, moi. Y a pas de raison qu'on reste là, alors. Moi, je me rends aux comètes, là. Quoi? Tu te casses? Je vais pas moisir ici, des mois que ça dure. On n'en voit pas la fin. Pareil que toi, je te suis. Personne part. Et pourquoi ça, tiens? S'il y en a qui se cassent, nous autres, on sera pas d'assez pour garder les otages et les troupes. En un jour, qu'elles nous tomberont dessus. Le commandant est mort. Je reçois d'ordres de plus personne. Si vous vous barrez, des déserteurs vous êtes. Et savez ce qu'on fait des déserteurs, pas vrai? Les mercenaires oublièrent vite leur commandant, et aucun d'eux ne chercha à bien comprendre ce qui lui était arrivé. Quelle bête sauvage pouvait s'être introduite dans la hutte pour l'attaquer. La disparition de Perrick les emmenait vers d'autres discussions plus houleuses. Certains considérant qu'ils n'avaient plus d'ordre à recevoir et pouvaient capituler si tel était leur désir, et d'autres qui comptaient s'emparer du poste vacant. Au milieu de ces chamailleries, qui conduisirent à des bagarres et potentiellement à des exécutions exemplaires, personne ne sut que leur camp était le premier d'une longue série d'attaques qui déclencherait les événements menant à la libération du continent Aïo. Le commandant Médelin avait succédé à Irgoche dans les jours suivant l'attaque de la forteresse. Il n'abusait pas de son statut. Il effectuait avec ses hommes toutes les tâches du camp et la discipline était pour lui un élément essentiel pour garder la tête froide dans la situation actuelle. Il n'avait plus rien à prouver. Il n'attendait rien de la source. Mais ce n'était pas pour autant que ce siège devait être un prétexte pour se laisser aller. Son camp était d'ailleurs un des rares à avoir épargné son Aldorion, Nisocreg. Dans cette optique de répartition du travail, Médelin était ce soir-là de corvée de bois. Le travail n'était pas compliqué pour lui puisqu'il s'agissait plus de suivre le Nikéen désigné et de le regarder ramasser les branches sèches et constituer un fagot. La nuit tombait, la forêt résonnait de plus en plus des chants des espèces nocturnes. Le siège durant depuis des mois, il fallait chaque fois s'aventurer plus loin du village pour trouver un bois qui convenait pour le feu. La population des villages ayant augmenté avec l'arrivée des mercenaires, et ces derniers consommaient proportionnellement plus que les Nifiens. Les rayons du soleil couchant avaient fini par disparaître. La lueur de Réas, derrière la ligne d'horizon, n'était presque plus perceptible. Et ni le mercenaire, ni le Nikéen n'étaient dotés d'une vue efficace, dans l'obscurité. Et tous deux ne voyaient pas à plus de 10 mètres. Médelin entendit un bruit, dans des feuillages, juste derrière lui, et se retourna. Agita davantage le buisson, pour débusquer l'animal qui pouvait s'y trouver. Et en surgeant d'un bond, un bel goual, battant des ailes, pour s'enfuir, mais fut vite abattu d'un tir. L'otage nikéen regarda d'abord, impuissant, le corps inanimé retomber lourdement sur le sol. Puis le commandant, qui se saisissait de la dépouille, d'un air satisfait. Et lui lança. Tu préférerais que ce soit toi? Le Nikéen détourna vite son regard et reprit son ramassage de branches. À chaque frémissement dans un buisson ou sur le sol, il tremblait à l'idée d'entendre à nouveau le bruit d'un tir et qu'une innocente créature vint agrandir le tableau de chasse. À quelques pas devant eux, une ombre se faufila derrière un tronc, laissant entendre quelques pas légers. À en juger de la hauteur de la silhouette entreaperçue, il devait s'agir d'un pangolin, le plus grand animal dans cette région. Médelin y vit là une aubaine, de quoi faire ripaille plusieurs jours, et de se passer des pilules alimentaires insipides que leur livrait le comète. Toi, tu bouges pas. Je garde un œil sur toi. Fais pas le malin, de toute façon, si tu te sauves, c'est tes copains qui paieront pour toi. T'as pigé? Le Nikéen acquiesça à la formulation de cette menace. Et vit le dos de Médelin s'éloigner dans l'obscurité, mais ne put bientôt plus distinguer grand-chose. Plutôt que de garder en tête qu'une seconde malheureuse créature allait périr pour nourrir ces monstres, il s'activa à fagoter les branches, essayant de faire suffisamment de bruit pour couvrir ceux que les tirs émettraient. Mais Medlin n'était pas assez éloigné pour que quelques branches manipulées couvrissent les tirs, ni les cris. Des tirs, il y en eut d'abord un, qui laissa penser au Nichéen que c'en était fait du Panglon. Mais une minute plus tard, un second tir résonna, peut-être celui de l'achèvement de la bête. Non, car ce même tir fut suivi de près, d'une rafale, et très vite de cris qui semblaient être émis par Medlin. Le Nichéen se tint droit comme un i, à l'affût du moindre son, quand les cris cessèrent, attendant le retour du commandant ou du Panglon, s'imaginant que l'un ou l'autre allait forcément venir à lui. Après les cris, la forêt était devenue silencieuse, ce qui alourdissait considérablement l'atmosphère et augmentait la peur qui l'avait assaillie. Combien de temps resta-t-il planté là à attendre? Il ne le sut trop. Quel comportement était le moins susceptible d'attirer des ennuis à ses congénères et lui-même? Les autres mercenaires s'impatientaient, sans doute. Ils devaient rentrer au village. Le croirait-on? Ou allait-on le torturer immédiatement? Tout cela, il ne pouvait le prévoir. Un seul cas de figure était certain. S'il ne rentrait pas, les autres paieraient pour lui. Alors il emprunta le chemin du retour. Que fais-tu seul? Où est le commandant? Le commandant Medlin a aperçu un panglon, il est parti le chasser mais n'est pas revenu, dit l'otage. Parti chasser un panglon, de nuit, tu te fous de moi? S'impatienta le mercenaire. Non, nous avons vu une silhouette entre les arbres, nous avons dû le réveiller, répondit le Nichéen. Si le commandant n'est pas rentré d'ici demain matin, tu nous conduiras là où tu dis. S'il est arrivé quoi que ce soit au commandant, tu serviras d'exemple. Le menaça le mercenaire. Le Nichéen fut enfermé avec les siens jusqu'au matin, pour ressortir bien vite de la hutte à l'apparition des premiers rayons de soleil, puisque Medlin n'avait donné aucun signe de vie. Une fois sur les lieux de la veille et escorté de deux mercenaires, le Nichéen leur narra tous les événements. Ils s'aventurèrent, tous les trois, dans la direction où Medlin était allé, et cherchèrent à droite et à gauche, avant de découvrir son cadavre lacéré et vidé de son sang. Pas de flaque cette fois, il avait été bu par la terre. Quand Zélé fut de retour à l'état-major, dans le vaisseau-mère, stationnant en orbite au-dessus du continent Ayo, elle fut accueillie à bras ouverts par Ormaïn, à qui elle avait beaucoup manqué. Tu as été longue à revenir. Je pensais que cela faisait plusieurs jours que tu avais quitté Luto. Je m'ennuyais sans ta compagnie, dit Ormaïn. J'ai fait un petit détour en chemin. Il n'y a pas que moi dans la vie, Ormaïn. Tu n'es plus prisonnier de l'oasis, tu peux rencontrer d'autres gens, lui dit Zélé. Mais que crois-tu, Zélé? Bien sûr que je me suis fait des amis. Le problème, c'est qu'ils ne font pas partie de l'état-major, et je ne peux pas partager avec eux tout ce qui me tracasse. Alors on discute de divertissements, de trucs marrants qui circulent sur le Rézarque. Tu es devenu un vrai citoyen du comète, s'exclama Zélé. Je m'absente quelques mois, et voilà la transformation. Oui, j'apprends à passer le temps avec futilité. Je culpabilise un peu. Ce vaisseau a beau être plus grand que le réseau des galeries des résistants, on en a vite fait le tour, se plaignit Ormaïn. Comme il était bon pour Zélé de retrouver un ami, de pouvoir l'étreindre, de s'esclaffer en cœur, et de chasser au loin les images des continents Uto et Oed. Ormaïn le comprit vite, et si elle n'en parlait pas d'elle-même, c'est qu'il valait mieux taire le sujet. Il évita aussi de lui dire qu'elle avait une mine épouvantable. Ses paupières lourdes trahissaient le manque de sommeil. Et les bourgeons violacés peuplant son front étaient le signe d'un système immunitaire affaibli. Il avait regardé ses présentations pour former les infirmiers upléens, et même si elles étaient édulcorées, elles ne suscitaient pas un enthousiasme débordant de s'y rendre. Il était heureux de savoir le continent Uto libre, mais cela ne l'impatientait que davantage pour Ayo. Ormaïn voulait voir les mercenaires être capturés, les forteresses détruites à coups de salve qui exploseraient leurs façades, comme l'avait fait le vaisseau de la reine, venu à leur secours. Se précipiter à la rencontre de ses camarades dans les galeries et leur clamer qu'ils n'auraient plus jamais à vivre terrés, la surface était à eux. Plutôt que de prévenir Gisor de son retour à bord, Zélé préféra profiter du confort de sa cabine. Puisque la prochaine réunion d'état-major était prévue pour le lendemain, elle pouvait bien aller se détendre. Le travail en Uto avait beau être prenant, il n'effaçait pas totalement le désir d'un lit bien douillet à la place d'un lit de camp, même quand elle tombait de sommeil. La porte coulissa sur une cabine différente de celle qu'elle avait quittée. À son départ, tout était sobre. Elle n'avait rien touché en y prenant ses quartiers. Et à son retour, elle trouva un endroit on ne pouvait plus personnaliser et chaleureux. Les murs affichaient la végétation du cratère vert. Et des projections de Goba et Mimisha étaient disposées sur une commode et sur la table de chevet. Elle adressa un regard sidéré à Ormaïn qui l'avait suivi. « Toi, Ormaïn, le Nékéen qui ne connaît rien à la technologie, tu as fait ça ?» demanda Zélé. « Comme quoi mon cas n'est pas désespéré, » répondit Ormaïn. « C'est splendide. Merci beaucoup, Ormaïn. Profites-en bien. Dans moins d'une heure, la décoration sera désactivée. Pas de gaspillage d'énergie, » indiqua Ormaïn. Elle essuya une larme à la vue de la projection du Goba, miniature, qui s'ébrouait dans la terre. C'était là, la vie que tous les Bolbolco devaient connaître. Et non pas ce qu'elle avait vu en Oed. Et comme il lui manquait. Elle espérait que Goba allait bien et vivait heureux avec ses congénères dans le désert. Zélé chassa ses tristes pensées et enfila une tenue décontractée après s'être lavée. Elle s'affala dans un fauteuil auprès d'Ormaïn et ferma les yeux, profitant que rien n'était attendu d'elle en cet instant. Malheureusement pour elle, son compagnon était d'humeur bavarde. Demander de l'aide aux comètes n'était pas une si bonne idée en fin de compte, dit Ormaïn. Que veux-tu dire par là, Ormaïn ? Ormaïn avait prononcé ces mots avec un ton si sérieux que Zélé avait cru qu'il le pensait vraiment, et s'adressait à lui presque scandalisé. L'OMPC débarque avec la flotte la plus impressionnante de l'univers et se fait mener en bateau des saisons durant par quelques durs à cuire, alors que ta mère, quand elle est venue nous récupérer, elle les a atomisés, et on était sauvés avant même de comprendre ce qui se passait. Et les mercenaires, je pense que c'était pareil pour eux. Ils ont dû se poser pas mal de questions après notre rescousse, dit Ormaïn. Upléas pouvait se permettre une telle action. Pour une forteresse, mais pas pour une centaine. Et nous étions en danger immédiat, ils nous tiraient dessus. Le vaisseau n'a que riposté pour nous protéger, expliqua Zélé. Début de connexion. Réunion exceptionnelle. Zélé et Ormaïn, vous êtes attendus. Fin de connexion. Oh non ! S'exclama Zélé en fouissant son visage dans un coussin. Eh si, j'en ai bien peur, Zélé. Allez debout, l'encouragea Ormaïn. Zélé ne cacha pas son désarroi et traîna des pieds jusqu'à la salle de réunion, à moitié tractée par Ormaïn qui lui tenait le bras. Gisor adressa à Zélé un « Content de te revoir parmi nous » avant de laisser la parole à Toilarmite, responsable d'un secteur en crise en Aio. Il y avait 2 jours, un groupe de mercenaires s'était rendu aux forces de l'OMPC après la mort de leur commandant. Ils avaient prétexté que celui-ci avait été retrouvé mort, attaqué dans son sommeil. Leurs allégations avaient été reçues dubitativement. On les soupçonnait plus de l'avoir assassiné pour ne pas être jugé déserteur et abattu. Mais le lendemain, le même cas de figure s'était présenté. Dans un village peu éloigné du précédent, les mercenaires avaient expliqué aux forces de l'OMPC que leur commandant avait été attaqué par une bête sauvage dans la forêt. Ils avaient d'abord cru coupable le Nikéen, qui l'avait accompagné, mais malgré leurs efforts pour lui arracher cette version, le villageois s'était tenu à sa seule et unique version des faits. Une dispute avait rapidement éclaté entre les mercenaires, qui avaient plus ou moins fini par ouvrir le feu sur eux-mêmes et sur les otages, ce qui avait déclenché l'intervention immédiate des soldats robots. Malgré l'écoute attentive du récit, Ormaïn ne croyait pas les versions des mercenaires. De quelle bête parle-t-on ? Il n'y a pas d'animal assez gros pour attaquer un Nifien ou un mercenaire dans cette région, expliqua Ormaïn. Les deux groupes n'ont pas pu se consulter, et les descriptions des blessures constatées sur les corps de leurs commandants correspondent. Nous avons interrogé les Nikéens rescapés, et ils n'ont tout comme toi, Ormaïn, pas idée de quelle espèce il pourrait s'agir, répondit-toi l'ermite. Avez-vous récupéré les corps des commandants pour les examiner ? Intervint Zélé. C'est malencontreux, mais non. Dans le premier cas, certains mercenaires ont mangé les restes. C'était un camp qui concentrait beaucoup d'espèces de charognards, alors ne soyons pas étonnés. Et pour le second, ils n'ont pas touché au corps. Ils l'ont laissé sur les lieux de l'attaque. Sauf que, quand ils ont conduit nos troupes au dit endroit, il n'y avait plus rien. Continua-toi l'ermite. Et sur ces deux cas sans corps à étudier, vous prenez pour vrai leurs élucubrations de bêtes sauvages ? S'étonna Ormaïn. Il y a tout de même le témoignage d'un Nikéen, indiqua-toi l'ermite. Dans le rapport, tu indiques qu'il n'a rien vu, simplement entendu des bruits, insista Ormaïn. Zélé les écoutait et restait pensive. Ormaïn affirmait qu'aucune créature existante ne pouvait causer pareil dommage. Il était catégorique. Il était évident que si cet animal avait été présent dans les parages plus tôt, il aurait attaqué les villages et serait connu de tous. Les forteresses ont-elles été systématiquement fouillées par les soldats robots lors des premières sommations ? Demanda Zélé. Où veux-tu en venir, Zélé ? Demanda Ormaïn. Nous ne savons pas ce que faisaient les mercenaires dans les forteresses, ni ce qu'ils y gardaient. Une de ces forteresses peut très bien avoir abrité une créature ramenée d'une autre planète, et celle-ci s'est échappée, voire a été relâchée, quand les mercenaires se sont réfugiés dans les camps, supposa Zélé. Tout le monde autour de la table manifesta son adhésion à cette hypothèse. En tout cas, en l'absence de corps à livrer à l'autopsie, nous ne pouvons tirer de conclusion. Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses, d'après les témoignages récoltés. Et puisque la thèse d'un gros prédateur semble dominante, la supposition de Zélé lui donne une origine crédible. J'espère pouvoir apporter les preuves nécessaires très vite. Conclut-toi l'ermite. Le commandant Parada aimait chasser la nuit. Il appartenait à une espèce prédatrice nocturne. Et devenir diurne dans le cadre de ses fonctions l'exténuait. Il avait demandé à maintes reprises à la source de faire partie des surveillances de nuit. Mais celui-ci s'entêtait à ordonner au commandant de travailler la journée et lui avait proposé d'être rétrogradé si jamais il voulait bénéficier d'un poste de nuit. Parada n'était pas assez stupide pour en arriver là. Avoir été commandant et redevenir subalterne était le meilleur moyen de subir toutes les brimades par ceux qui étaient autrefois sous ses ordres. Maintenant que tout contact avec la source était coupé, il jouissait de sa véritable nature de prédateur nocturne et s'en donnait à cœur joie. Le crépuscule était son heure de réveil, l'aube celle de son coucher, et entre deux, il partait chasser, tuant par jeu, puisque les pilules alimentaires le rassasiaient entièrement. Parada était, bien sûr, obligé d'être accompagné d'un otage à tout instant pour ne pas risquer d'être pris par quelque force ennemie qui l'observerait. Alors, pour être à la fois accompagné mais aussi libre de ses mouvements, il fixait à son dos le plus jeune enfant nifien, bâillonné, cela allait de soi, ses pleurs auraient effrayé ses proies. Parada, bien que grand prédateur d'après ses propres dires, s'équipait de petits harpons pour travailler ses victimes au corps avant de les achever. Son vrai plaisir était là. Ce soir-là, il avait harponné à 4 reprises un pangolin, et pistait le sang qu'il semait, et remonta jusqu'à la grotte où l'animal s'était réfugié. Il faisait aussi noir, à l'extérieur que dans la grotte, puisqu'on était entré dans une phase de nouvelle lune. Les yeux de Parada n'eurent aucun temps d'adaptation pour discerner le pangolin essoufflé, couché sur le flanc, et dans son propre sang, qui regardait de ses yeux suppliants son bourreau approché. Parada affichait un sourire extatique. Avoir une créature à sa merci et lire dans ses yeux l'espoir que jusqu'à la fin il pourrait être épargné formait l'apothéose du spectacle. il dégaina un couteau affûté qu'il utilisait pour porter le coup de grâce. Jamais il n'utilisait ses propres griffes. Il avait horreur de se salir. Il saisit le pangolin tétanisé par le toupet, renversa sa tête en arrière, et quand il s'apprêtait à trancher la délicate gorge, une forme noire surgit de derrière le pangolin et envoya valser le couteau. Parada eut pour premier réflexe de regarder où avait atterri son couteau, avant de se retourner pour voir ce qui était là. Il ne distingua rien derrière l'animal couché, qui tentait de reprendre sa respiration, et aussi de s'éloigner, rampant sur ses membres affaiblis. Avant de pouvoir chercher ailleurs, Parada fut projeté en avant par une poussée sur ses épaules, et sentit des lames se planter dans son dos, à droite et à gauche. Il hurla. Il sentit aussi son dos comme étant dégagé. On venait de lui retirer l'enfant nifien. « Tant mieux, pensa-t-il, qu'il le bouffe et me laisse tranquille. » Bientôt, les pleurs de l'enfant résonnèrent dans la grotte. Son bâillon avait été retiré, et l'écho se fit de moins en moins prononcé, et le son s'affaiblit. L'enfant était emmené hors de la grotte. Parada y vit sa chance de s'enfuir pendant que la bête se repaîtrait de sa jeune proie. Il voulut ramener ses membres sous lui pour se relever, mais n'y parvint que pour ses quatre membres avant. Les deux coups portés dans son dos lui avaient ôté la capacité de bouger le reste de son corps. Il roula pour se positionner sur le dos. Dans la grotte noire, il entendait le souffle lourd du pangolin, réfugié plus en arrière. Parada pensa que ses membres inférieurs ne répondaient plus temporairement, et qu'en attendant un peu, il recouvrirait tous ses moyens. Il prit le temps de revivre son agression. Puisque la bête l'ayant attaqué avait pu se dissimuler derrière un pangolin, elle ne devait pas être plus grosse. Ce qui voulait dire que l'enfant nifien constituerait, pour elle, un bon repas. Il avait une bonne marge de temps devant lui. Et qui plus était, s'il devait rester caché dans cette grotte, le pangolin servirait de réserve de nourriture, et tant pis s'il devrait manger sa viande crue. À peine avait-il imaginé de pénibles heures à se remettre de son attaque, qu'il flaira l'odeur de la créature, et une silhouette ample et noire s'abattit sur lui. Deux de ses bras furent maintenus au sol, par le poids, et il se débattit autant qu'il put, avec ses deux bras libres. La bête était comme recouverte d'une toile, qui pendait au-dessus de son visage, et empêchait Parada de distinguer clairement son adversaire. Toute griffe dehors, et il donnait des coups dans tous les sens, sans blesser la créature, qui elle-même tentait de le griffer et de parer ses coups. Il parvint à se dégager, en ramenant ses jambes sous lui et en expulsant son assaillant. Il s'éloigna rapidement, par une roulade en arrière. Il se redressa vite, en chancelant quelque peu, cherchant des repères dans le noir. Son talon buta contre quelque chose de mou. La peau nue de sa cheville caressa une fourrure humide. C'était le pangolin. L'animal poussa un cri de frayeur. Malgré sa position couchée, il parvint à décocher un puissant coup de patte postérieure pour éloigner celui qui l'avait mis dans cet état. Parada fut propulsé en avant et s'effondra sur le ventre. La bête sauta sur cette occasion pour reprendre le dessus. Deux des membres de Parada furent saisis et plaqués dans son dos. La bête n'aurait pas été assez lourde pour l'empêcher de se basculer. Si elle ne lui avait pas assemé, à nouveau, un coup tranchant pour le paralyser. Plus haut cette fois, à la base de la nuque. Aucun des bras de Parada ne répondirent plus. Après une petite pause, durant laquelle mille interrogations et hypothèses eurent le temps de se former dans son esprit, Parada fut remis sur le dos, la créature se pencha encore sur lui, la sorte de toile la recouvrant, pendant toujours sur son visage. Un membre fut levé. La toile suivit le mouvement, un éclair scintilla, une fraction de seconde. Le seul instant où Parada eut enfin la vue dégagée et ce fut pour voir s'abattre sur son œil central, ce qui allait le crever. Puis son œil droit subit le même sort et finalement le gauche. Aveuglé, il ne lui restait que son flair et son ouïe pour repérer son adversaire. Cette bête ne grognait ou ne rugissait pas. Elle était légère sur ses pattes et agile. L'ouïe n'était que de peu d'utilité. Pour le flair, leur corps à corps avait empli la grotte de leurs odeurs, Son ennemi pouvait désormais se déplacer comme bon lui semblait. Il aurait beaucoup de mal à faire la part des choses. Et toute la compréhension de la situation que pouvait avoir Uparada jusque-là bascula quand il entendit ces mots. « Maintenant, tu sais ce que c'est que d'être une proie. » Parada se sut perdu. Zélé, Ormaïn et tous les membres de l'état-major furent de nouveau conviés à une réunion extraordinaire. Toile Armite les attendait dans la même salle que la dernière fois. Deux camps ont été libérés. Le premier, secteur 14, suite à la folie qui s'est emparée d'un mercenaire. Il a mis le feu au village et tiré sur ses acolytes. Nous sommes intervenus le plus rapidement possible. Les robots n'ont eu d'autre choix que d'abattre les mercenaires qui empêchaient l'accès aux huttes des otages, qui allaient brûler vifs. Peu d'entre eux ont été blessés. Ils ont surtout respiré beaucoup de fumée. Nous avons pu maîtriser le feu avant qu'il ne s'étende. L'humidité de la forêt a beaucoup joué dans ce succès. Aucun animal victime. Le cas du second camp libéré est tout autre. Secteur 9. Le commandant du camp, un dénommé Parada, avait disparu depuis 2 jours. Ces subalternes ont cru que nous avions mené une attaque. Ils ont menacé d'abattre des otages si nous ne leur rendions pas. Puisque nous ne le détenions pas, ils n'ont pas voulu nous croire et ont abattu un Nifien, dit-on à l'armite. Savent-ils quand leur commandant a disparu? Demanda Ormaïn. Ce salaud avait pour habitude de partir à la chasse toutes les nuits, tuant ses victimes à petit feu. Son péché mignon. Un matin, il n'est pas revenu. Répondit Gisor, plutôt énervé. Et vous n'êtes jamais intervenu pour l'arrêter? Ormaïn ne supportait pas d'entendre que les mercenaires continuaient à agir à leur bon plaisir malgré la présence de l'OMPC. Il prenait soin de se munir d'un bouclier vivant, expliqua Gisor. « Que veux-tu dire, décisionnaire Gisor ?» demanda Ormaïn. « Je veux dire qu'il attachait à son dos un enfant. C'est d'ailleurs cela qui leur a fait penser à une intervention de notre part. L'enfant a été retrouvé non loin du camp, sain et sauf, au petit matin. » « Et ça vous étonne encore? Nous savons tous que les mercenaires sont carnivores ou omnivores, et qu'ils n'ont aucune morale !» vociféra Zélé. Zélé était on ne pouvait plus blasée par chaque récit qu'elle entendait lors des réunions, et elle ne comprenait pas que les autres, y compris Ormaïn, pouvaient encore être davantage dégoûtés. Par contre, Zélé avait rétorqué sur un ton peu aimable, et Ormaïn lui adressa un regard lourd de sens. Il craignait qu'elle fût invitée à sortir de la salle si elle continuait ainsi. Elle articula un faible « Désolé », tout en frottant des petites plaques violettes qui démangeaient son front. Mais ils ne chassent pas tous. Je sais, héritière Zélé, que mon raisonnement peut te paraître absurde. Je ne peux m'empêcher de pallier les actes barbares et de trouver ceux de Parada plus abjects que ceux des autres. Bien sûr, Zélé n'allait pas le contredire. C'était ce qu'elle avait ressenti en Oetz, avec les Bolbolko. Ormaïn, ignorant si Zélé était de l'avis du décisionnaire Gisor, préféra en revenir au sujet de départ pour éviter que la conversation ne digressât trop. Comment s'est terminée l'affaire du secteur 9, après qu'ils aient tué un otage? Demanda Ormaïn. Nous avons donné l'assaut. Un autre otage a été tué, malheureusement. Les mercenaires ont ouvert le feu sur les soldats robots qui ont riposté. Ils ont pu rapidement encercler les deux huttes, où tous les otages étaient gardés, ce qui a permis de les protéger. Expliqua Toi l'armite. À la sortie de la réunion, les propos que Zélé avait entendu Gisor tenir au sujet des actes de Parada lui donnèrent confiance pour aborder la question du continent Oetz. Elle ne doutait plus qu'il qualifierait la situation comme appartenant à une barbarie encore plus odieuse et qu'il la rejoindrait dans l'idée de mener une action au plus vite, maintenant que les forces avaient terminé leur travail en Uto. S'il ne la rejoignait pas dans son idée, il considérait qu'elle n'aurait pas dû s'y rendre et il serait en capacité de l'exclure de l'état-major. Mais la vision entêtante de ces Bolbolko valait la peine de prendre le risque. Elle ne voyait aucune autre manière de leur venir en aide. Tu t'es rendu sur le continent Oetz sans mon autorisation. Décisionnaire Gisor, vous avez bien compris que j'ai joué sur l'absence d'interdiction. Bien entendu, héritière Zélé, c'était ainsi décidé. les forces libéraient en premier les deux continents dont la situation nous était connue. Décision d'Ergizor, celle de Loed nous l'est désormais. Fais-moi un rapport sur tes constatations et nous aviserons lors d'une réunion. Décisionnaire Gisor, rapport envoyé. Et rapport reçu. Eridir Zélé, tu es exclu de l'état-major. Décisionnaire Gisor, ce n'est pas une surprise. Toutefois, j'avais imaginé que, si vous étiez de mon avis, mon statut serait maintenu. Tu as mal imaginé. Et en fin de compte, tu ne seras pas totalement tenu dans le secret. Même s'il n'en aura plus le droit, je sais que le représentant Ormain te gardera informé de toutes nos décisions et du front. Zélé en rigola presque. La situation amusait plus Gisor qu'elle ne le dérangeait. Il savait que les opérations ne seraient jamais compromises par ces Denifiens. Il pouvait échanger comme il le voulait, et qu'aurait-il plus contre cela? L'exclusion de Zélé tenait plus d'une application stricte des règles. Le général n'était pas certain que Zélé agirait de la même façon si les faits étaient inversés. L'héritière obéissait certainement trop aux règles pour continuer à échanger avec Ormain sur les sujets sensibles, si celui-ci avait été exclu de l'état-major. Et dans un autre sens, Ormain était-il capable d'enfreindre la moindre règle? Elle prit la direction de sa cabine. Ormain était resté à l'attendre, à l'angle du corridor, épiant leur conversation. C'est une bonne chose d'être exclu des réunions. Tu auras moins à courir, dit Ormain. Tu as entendu? Courir? D'où? Quoi? Zélé joua l'ingénu. Ces éruptions cutanées sur ton visage, c'est typique des feuilles de gébusier. Cette plante se confond facilement avec la comomante, comestible, elle. En tout point pareil, sauf que les pics des feuilles sont tournés vers l'intérieur. Ne t'inquiète pas, il n'y a qu'un nifien de ma région pour le remarquer. Ils se fixèrent longtemps en silence, l'air grave, avant de reprendre la direction des cabines et d'échanger des banalités. Marie-Sarah n'était pas commandant, mais lui et ses camarades aimaient la viande crue trempée dans le sang et n'avaient pas cessé de mener leur partie de chasse sous prétexte que l'OMPC les surveillait. Le seul ennui était qu'ils devaient chasser avec un nifien pour chaque mercenaire et que ceux-ci les ralentissaient, voire faisaient fuir le gibier puisqu'ils n'atteignaient pas la discrétion de leur maître. Et ce, malgré les réprimandes. Dans cette atmosphère lourde, les chasses étaient plus rares mais plus importantes pour compenser et, à la différence de celles de Parada, avaient lieu de jour. Au petit matin dans le ciel, le satellite Nick 2 était presque entièrement visible et son compagnon, Nick 1, était à son premier quartier. Un léger vent s'engouffrait dans les arbres. Il secouait les feuilles humides des buissons alvéolaires et en faisait tomber la rosée. Les rayons de l'étoile Réa se frayaient par endroits un chemin au travers de la cime des arbres et accéléraient l'ouverture des pétales des fleurs qui les réchauffaient. Les chants, résonnant dans la nature, changeaient de ton. Ils étaient plus nombreux, variés, mélodieux. Parfois, le clapotis d'un cours d'eau ajoutait ses notes à la partition. Ce tout créait un sentiment de sérénité qui enrobait la forêt. Cette musique, les Nikéens la connaissaient et la respectaient. C'était la présence des mercenaires qui désaccordait cette harmonie. Malgré leur exploitation, se promener en ces lieux pour la cueillette était un plaisir pour les Nikéens. Ils s'attardaient souvent à piquer une tête dans une rivière, y cueillaient quelques algues et observaient la vie aquatique. Maintenant que les mercenaires vivaient parmi eux, chacun de leurs gestes était surveillé et limité à son strict minimum. Sortir du village était devenu source de stress. Ils étaient constamment poussés ou tirés pour aller plus vite. Recevaient un coup de bâton pour avoir marché sur une feuille morte et surtout, surtout, assistaient impuissants à la traque et à la mise à mort d'un innocent, puis de deux, trois. Le tableau de chasse pouvait grimper jusqu'à une vingtaine de victimes en une matinée. Chaque poursuite, chaque blessure, chaque agonie était unique, propre au désespoir et à la lutte pour la vie de l'animal malchanceux. Aujourd'hui, il y avait cinq mercenaires, Marie-Sarah, Fadino, Hirodlan, Sela et Yaneb-On. Et les escortes nifiennes, Missy, Doudoune, Megami, Nebet et Buljo. Bien que l'aube ait été ensoleillée, des nuages sombres à l'origine annonçaient une autre météo pour la traque du gibier. Dans la région, les orages pouvaient succéder en l'espace d'une heure à une nuit calme et un matin ensoleillé. Sentant le petit vent s'intensifier, Marie-Sara donna l'ordre à chacun de partir chasser dans une direction. Il valait mieux privilégier plusieurs petites proies plutôt que de débusquer à plusieurs des plus grosses. Il n'en aurait pas le temps. Yaneb On pistait une orguette, petit animal de 40 cm de long, au plumage violacé et au front blanc. Il ne l'avait pas encore vu, il en avait simplement flairé l'odeur et remontait doucement, mais sûrement, jusqu'à son terrier. Les Nikéens avaient beau imaginer tous les stratagèmes pour ralentir leurs exploiteurs, les mercenaires n'étaient pas assez stupides pour ne pas voir clair dans leur jeu. Alors, le Nifien Buljo était là, attaché par la cheville à Yaneb On, et espérait profondément que le terrier devant lequel il venait de s'arrêter était vide. Pendant que le mercenaire se penchait devant la petite ouverture de la galerie creusée par l'orguette, Buljo entendit un bruissement dans les branches au-dessus d'eux. Il en avait cure, l'animal perché là-haut, quel qu'il était, n'était pas en danger. Toute l'attention de Yaneb On était ailleurs. Sauf que la bête sauta de sa branche et tomba de tout son poids sur le mercenaire, qui n'eut pas le temps de saisir son arme posée au sol à côté de lui, et se fit sauvagement poignarder le flanc et l'aisselle à de nombreuses reprises. Les coups portés étaient méthodiques et conscients des points faibles de l'espèce attaquée. Buljo était pétrifié. Il était relié au mercenaire et ne pouvait fuir. Il se tenait aussi éloigné que l'y autorisait la longueur de la corde. Avant de le libérer, l'agresseur de Yaneb On indiqua à Buljo qu'il n'avait rien à craindre et que son aide était la bienvenue. Le mercenaire Sela éprouvait du plaisir à tuer, mais n'aimait pas arpenter de long en large la forêt. Son espèce n'était pas prédatrice. Il ne possédait aucun sens développé pour débusquer le gibier sans aide. Il préférait les battus. Mais ce n'était pas la tactique du jour. Il avait repéré une piste qui laissait penser à un passage régulier d'un animal, plutôt petit, à en croire la taille des empreintes. Et il s'était installé derrière un buisson, son arme en joue. La Nikéenne Nebeth, à ses côtés, grelottant de froid dans sa tunique fine. Ils entendirent des pas venir de la gauche, et avant d'apercevoir la moindre silhouette, une voix appela Sela. Puis apparut Buljo. Le mercenaire bondit à la vue de ce Nikéen en liberté, et Buljo s'empressa de lui indiquer que son maître l'avait envoyé pour demander des munitions. Sela n'avait plus son arme de chasse en joue, ni dans la main. Elle était restée dans le buisson. Il ne lui restait que son pistolet laser à la ceinture. Le mercenaire ne releva pas que Buljo parlait particulièrement fort. De ce fait, il n'entendit pas que quelqu'un s'approchait dans son dos. Et il ne s'en aperçut que lorsque sa tête fut saisie et penchée en arrière, pour exposer sa gorge et le saigner. Nebet recula horrifiée. Buljo la retint un peu plus et elle s'écroulait, les pieds pris dans sa corde. Le mercenaire Hirodlan était grand et large, et c'était pour cela qu'il avait été mis en duo avec Megami, qui était aussi grande pour une esclave. La forme d'Hirodlan évoquait celle d'un centaure reptilien, dépourvu de queue. Grâce à ses quatre membres, il était rapide, mais son lourd physique l'empêchait de se faufiler entre les troncs. Sa puissance ne lui servait qu'à découvert. Alors, pendant que des grosses gouttes éparses commençaient à tomber, et qu'on entendait le ciel gronder au loin, Hirodlan et Megami étaient postés à l'orée de la forêt, guettant une grande clairière. Le mercenaire voulait un panglon. Son physique n'était pas fait pour capturer de petites bêtes. Dans l'ombre, le vent de face, il surveillait un tressaillement dans les hautes herbes. La bête massacreuse de mercenaires savait qu'elle n'avait aucune chance de tuer Hirodlan au corps à corps, avec un poignard. Il était bien trop fort. Il lui faudrait utiliser les deux pistolets laser, voler sur les cadavres, encore chaud de Yaneb On et Sela. Les tirs laser faisaient du bruit. Ils risquaient d'attirer l'attention des autres chasseurs. Leur son devait être couvert, et la bête attendait l'orage. Buljo et Nebeth avaient pour consigne de repérer les pangolins qui pourraient s'aventurer dans les parages et de les effrayer avant qu'ils ne s'engageassent dans la clairière. Enfin, un éclair scintilla dans les nuages, mais son tonnerre fut long à venir. Long, mais suffisamment puissant au goût de la bête pour couvrir des tirs. Buljo et Nebeth se rassemblèrent et pénétrèrent à quatre pattes dans les hautes herbes pour imiter un pangolin. Hiroldan releva immédiatement la tête au tressaillement des broussailles, les oreilles dressées en avant, et chargea sans plus attendre. Comme l'avait décrit Nebeth à la bête, elle qui l'avait déjà accompagnée lors d'une chasse. À l'approche des pas du mercenaire martelant le sol, de leur galop, Megami, traînée comme une poupée de chiffon derrière lui, les deux Nikéens prirent la fuite en agitant les herbes sans se montrer, ce qui les ralentissait beaucoup. Et quand Hiroldan fut attiré au point désigné, la bête lui sauta au torse et s'agrippa ensuite à son dos, en serrant les cuisses et les genoux. Le poignard fut planté dans la chair, non pas pour tuer, mais pour servir de pommeau. À la sensation du poignard pénétrant son garrot, Hiroldan pila et se cabra, puis rua, comme il put, donnant des coups de bras en arrière, mais sachant d'avance qu'il n'avait pas les bras assez longs, ni assez flexibles pour atteindre quoi que ce fût dans son dos. Il tournait sur lui-même comme un fou. Megami, griffée par la course, tentait de se pousser pour éviter d'être piétinée. Nebeth lui lança un petit couteau, et elle coupa la corne tout en esquivant les ruades. Elle fut enfin libre et rampa jusqu'à ses camarades, le coude tordu et le poignet cassé. La bête se maintenait du mieux qu'elle pouvait pendant le rodéo d'Hiroldan, son arme laser fixée à la ceinture, attendant un éclair pour pouvoir dégainer et faire feu, au moment du tonnerre. Le mercenaire grognait de rage, incapable de voir son ennemi, mais ne faiblissait pas, au contraire de son assaillant. Le Nifien Buljo avait gardé le pistolet laser de Yaneb On et mourait d'envie de tirer sur Hiroldan. Mais il n'était pas entraîné, il pouvait mal viser et blesser leur allié. Et surtout, le bruit attirait l'attention. Un éclair timide brilla là-haut, et aussitôt la bête alliée profita de cette chance pour se tenir au pommeau, d'une seule main, et dégainer de l'autre. Le coup fut porté, en pleine tête, quand le tonnerre gronda, de manière disproportionnée par rapport à l'éclair, mais ce n'en était que bienvenu. Le lourd corps du centaure pivota avant de s'affaler et de s'écrouler sur la jambe de son meurtrier, avant qu'il n'ait pu sauter. À cinq bras de Nikéen, ils ne furent pas de trop pour parvenir à dégager la jambe. Nebeth et Bengami se virent indiquer la galerie de résistants la plus proche pour se mettre à l'abri et soigner le bras de Megami. Buljo restait avec leur allié. Fadino avait attaché le Nikéen Doudoune à un arbre, avec les différentes proies tuées plus tôt, pendant autour de son cou. Fadino escaladait l'arbre pour saisir le Kirkus vert, blessé, qui s'était réfugié sur la plus haute branche. L'orage s'était amplifié, il faisait sombre, la pluie battait. Même au travers des feuillages, ce tintamarre couvrait la course de la bête alliée et de Buljo, qui pouvait avancer vite. Le mercenaire Fadino, toute griffe dehors, planté dans l'écorce, aurait grimpé aisément par temps sec. Ce Kirkus était sa dernière proie. L'orage grondait trop. Les autres chasseurs devaient être en route vers le point de rendez-vous. Le Kirkus était bien camouflé parmi les feuilles, mais la flèche rouge vif dans sa cuisse trahissait sa position. Fadino sentit l'arbre se secouer tout à coup, comme sous le poids de quelque chose qui lui serait tombé dessus. Il regarda à droite et à gauche, jeta un coup d'œil rapide en bas pour vérifier que Doudo Une était toujours attaché. Il ne l'était plus. Quelque chose bougea au-dessus de lui, quelque chose de beaucoup plus gros qu'un Kirkus vert. Il releva la tête, aussi sec. Un éclair dessina la silhouette qui se tenait deux branches plus haut. Malgré la toile ample et le visage barbouillé de noir, Fadino identifia l'espèce et n'eut le temps que de murmurer. « Qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Avant que la bête alliée ne se laissât tomber dans le vide pour s'agripper à lui dans sa chute et s'en servir d'amortisseur quand ils atteignirent le sol. Le mercenaire était tombé sur le dos et était incapable de bouger. Il ne put que tousser pour retrouver son souffle. La bête alliée avait roulé sur le côté. Fadino était cerné. Dudo Une se pencha au-dessus de sa tête, pointant une arme entre ses deux yeux. Et, Buljo, marchait sur sa longue queue. Fadino se crispa, quand il vit le doigt de Dudo Une se repositionner et prêt à faire pression sur la détente. Il n'eut pas le temps de crier « Non !» qu'un tir maximal fit exploser sa tête. Dudo Une releva la tête, le regard plein d'incompréhension vers la bête alliée qui avait tiré avant lui. « Vous n'avez pas à tuer, jamais. Je vais chercher le Kirkus, » dit la bête. Marie-Sara et la Nikéenne Missy marchaient vers le point de rendez-vous, la besace peu chargée, ce qui irritait beaucoup le mercenaire qui s'imaginait déjà que Fadino avait tué plus que lui. Il était aussi trempé jusqu'à la moelle et il détestait la pluie. S'imaginant les railleries de son camarade, Marie-Sara ne regardait pas vraiment ce qui l'entourait, alors que Missy, à l'approche de leur destination, vit que personne n'était de retour, ce qui était très inhabituel. Chaque partie de chasse où elle avait été emmenée, Marie-Sara était toujours le dernier ou le pénultième à revenir. Quelques mètres avant qu'ils ne s'arrêtassent, le bruit de plusieurs pas entremêlés balayant les brindilles sans discrétion, aucune, se joignirent au son des leurs. Missy regarda en arrière et s'inquiéta quand elle ne vit que les deux Nikéens Dudo Une et Buljo. Elle se retourna aussitôt et cria presque « Qu'avez-vous fait ?» Ce qui ne manqua pas de stopper Marie-Sara, qui saisit l'arme à son torse avec sa trompe. Missy avait son enfant au village, et elle savait que toute désobéissance de Nikéens en sa présence entraînerait une sanction sur sa progéniture. Mais avant de pouvoir prendre pour cible Dudo Une ou Buljo, il perçut le subtil son du chargement d'un pistolet laser derrière lui, et put esquiver le tir, qui aurait frappé son dos. Il tira rapidement sans viser, vers la bête alliée, détacha le mousqueton qui le reliait à Missy, et prit la fuite. Entre les arbres, ses longues jambes fines de coureur lui aient procuré une bonne agilité. Surtout, ne retournez pas au village, leur cria la bête alliée. Munie de deux pistolets, la bête alliée partit à la poursuite de Marie-Sara, pendant que Dudo Une et Buljo devaient convaincre Missy de les suivre. Elle se débattait et pleurait pour son enfant. Eux et le Kirkus blessé devaient se réfugier dans une galerie de résistants. Elle ne reverrait son enfant que lorsque les forces de l'OMPC auraient pris le village. Il fallait espérer que l'intervention ne tarderait pas trop et qu'il ne serait pas tué dans la bataille. Marie-Sara courait en direction du village. Il était bien plus rapide que la bête alliée, qui n'était pas aussi bien taillée pour la course. Le tonnerre grondait moins. L'orage s'éloignait, mais qu'importait. Il fallait l'arrêter avant que le village ne fût en vue. La bête alliée faisait feu dès qu'il apparaissait entre deux arbres, éclatant de l'écorce, sans jamais faire mouche. Marie-Sara fonçait droit vers le village et la bête alliée était loin derrière et ne parvenait à aucun moment à avoir le champ dégagé. Il en serait ainsi sur tout le trajet, l'écart entre eux se creusant à chaque foulée. Il n'y avait qu'à espérer qu'il trébucherait ou commettrait une faute. Mais Marie-Sara connaissait les environs par cœur, il n'avait aucune raison de se tromper. Alors que la bête alliée ignorait tout de ces lieux, il n'avait aucun moyen de passer devant ou de faire dévier son adversaire. Et puis elle entendit des tirs. Jusqu'ici, le mercenaire n'avait jamais fait feu sur la bête alliée. Et elle n'avait rien vu, et les bruits de tirs cessèrent, mais furent suivis de grognements ou de cris. À bout de souffle, la bête alliée ne sentait plus ses jambes, mais rassembla ses forces pour rattraper le mercenaire qui devait être ralenti par quelque obstacle. « Mais qui vous êtes, bordel, d'où vous sortez ?» vociféra Marie-Sara. « Nous, c'est la résistance !» clama fièrement un Nifien. La bête alliée trouva Marie-Sara au sol, sous un filet, une lance dans le flanc, entourée de Nikéens résistants. Le mercenaire à sa merci, la bête alliée n'attendit pas plus et l'acheva immédiatement. Les résistants se réjouirent de son geste dans un cri à l'unisson. « Que faites-vous là ? demanda la bête alliée essoufflée. Megami et Nebeth nous ont expliqué ce que tu faisais, alors on aide. Ça fait des lunes que ça dure cette histoire. Quand on a reçu le message de nous tenir prêts, on s'attendait à ce que ces misérables soient dégagés en quelques jours. Et là, des lunes que la situation pourrit sur place, expliqua un résistant. À quoi êtes-vous prêts pour les dégager ? Les interrogea la bête alliée. À tout cette question, répondit un résistant. Même à vous sacrifier pour les autres ? Il y eut un silence dans les rangs des résistants, tout à coup. Jamais personne chez eux n'était mort, dans la moindre lutte, ou même n'avait été capturé par un mercenaire. La bête alliée poursuivit. Les forces de l'OMPC refusent d'attaquer, tant que les mercenaires menaceront les Nikéens. Mais si vous, les Nikéens, vous rebellez, attaquez vos ennemis, alors les forces n'auront d'autre choix que d'intervenir pour vous protéger. Votre libération ne pourra se faire sans votre sacrifice consenti. La plupart survivront, la grande majorité. Mais certains devront mourir. Prévenez toutes les galeries. Je vous laisse 5 jours. Ensuite, vous avertirez aussi les villageois. Comment veux-tu que nous les prévenions ? Demanda un résistant. Ils ont mis en place des systèmes de communication entre les villages, inconnus des mercenaires. Mais on ne sait pas faire ça, nous, intervint un autre résistant. Je sais, je vais parler à des villageois qui ont été libérés. Ils m'expliqueront leur méthode. Megami et Debes pourront vous montrer. Et pour ce village-là, qu'est-ce qu'on fait ? Les mercenaires attendent leurs petits copains ? Dit un résistant. Malheureusement, intervenir maintenant serait trop tôt. Pour être sûr que les forces de la MPC n'aient d'autre choix que d'agir à vos côtés, sans vous restreindre, il faut attaquer plusieurs villages en même temps et déclencher une réaction en chaîne, expliqua la bête alliée. Alors, on ne fait rien pour celui-là ? Sauf si tu as une meilleure idée, mais il n'y en a pas. Depuis la première attaque de la bête, les réunions extraordinaires étaient devenues quelque peu ordinaires à l'état-major. Pour changer, Dwellarmite n'était plus le seul dont le secteur était touché, et chaque responsable faisait le bilan de la libération d'un camp suite à la mort d'un commandant, et désormais de subalternes lors d'escapades hors du village. Grareuse, de la planète Kero, s'inquiétait de ces tueries mystérieuses, surtout qu'elles s'intensifiaient puisqu'il ne s'agissait plus d'un mort mais de plusieurs, et aussi bien de nuit comme de jour. Nous devrions prévenir les villages de ce danger qui rôde. Oh, comment ? Ormaïn bondit de son siège à cette suggestion. Des êtres meurent mystérieusement. Nous savons que le danger se présente hors des villages. Nous n'avons qu'à faire passer le message de ne plus sortir et de bien fermer les fenêtres pour éviter toute intrusion, suggéra Grareuse. Tu veux que nous protégions ces barbares sanguinaires ? Tant mieux pour tout ce qui leur arrive. Ormaïn bouillonnait. Elle n'a peut-être pas tort, après tout. À la suite de certaines attaques, les mercenaires ont abattu ou torturé des otages, pensant que les disparitions étaient de la faute de l'OMPC ou des Nikéens, donna son avis un autre membre. Par pitié, vous plaisantez tous, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas défendre cette idée. Des villages sont enfin libérés. Décisionnaire Gisor, supplia Ormaïn. La proposition a le mérite de devoir être débattue, puisque nous n'en venons pas aux mêmes conclusions. Chacun donna son avis sur la question. Ormaïn trouva certains soutiens bienvenus, peiné qu'il était de ne pas avoir Zélé à ses côtés. Finalement, un vote à membres levés fut lancé sur la nécessité de prévenir les villages qu'ils étaient en danger. Dwellarmite, d'autres, et bien entendu Grareuse, votèrent pour. Ormaïn, Gisor et un plus petit nombre votèrent contre. Le pour l'emporta, Ormaïn quitta la salle furieux. Dès le lendemain, à contre-cœur, le décisionnaire Gisor enregistra un message à diffuser aux abords de tous les camps pour les mettre en garde. Les mercenaires reçurent l'avertissement du décisionnaire Gisor sur un mystérieux prédateur qui attaquait dans la forêt aussi bien la nuit que le jour, et qui pouvait potentiellement se faufiler dans les huttes. Ils prirent tous cette mise en garde pour une ruse, désespérée de l'OMPC de déclencher une panique générale. Et ils en plaisantèrent entre eux. Cela renforça leur impression de dominer la situation et de mettre à mal l'ennemi. Mais quand la nuit fut devenue, peu nombreux étaient ceux qui acceptaient d'être de garde ou qui avaient des envies de balade à l'extérieur des villages. Dès le crépuscule, le moindre craquement de branches dans les bois leur retournait la tête et évacuait toute trace de confiance. Au camp du commandant Ochoa, les équipes de nuit avaient été doublées, le commandant étant persuadé que l'OMPC préparait un sale coup. Les fenêtres durent être condamnées en l'espace d'une journée, et un poteau fut planté en lisière de forêt avec un otage qui y passerait sa nuit. Si bête il y avait, elle aurait de quoi dîner sans pénétrer plus en avant dans le camp. Les quatre premières nuits, l'unifiant appât ne fermait pas l'œil, scrutant dans le noir un mouvement, un son. La cinquième nuit, on l'entendit hurler. Les mercenaires de garde furent trop lâches pour s'approcher et assister à la scène. Le lendemain, il ne restait que des vêtements déchirés et des lambeaux de chair. Constatant cela, les mercenaires se réjouirent vite de leur système de protection et l'appliquèrent chaque soir. Et chaque soir, l'otage était dévoré. L'idée qui était apparue ingénieuse dans un premier temps devint problématique dans un second. La bête avait été appâtée dans ce village et était désormais habituée à y retrouver son repas. Là où au départ il s'agissait de la maintenir éloignée du village, elle se retrouvait à s'intéresser particulièrement à lui et n'allait plus quitter les parages. Et bien entendu, à la nourrir ainsi, les otages allaient manquer et les mercenaires n'auraient rapidement plus rien à lui donner, ni de bouclier pour se protéger d'une attaque des forces de l'OMPC. Tout cela leur vint en tête au bout de 12 nuits et qu'un tiers des otages avaient été livrés en pâture. Ils étaient privés de tout contact avec les autres villages et ignoraient que plusieurs de leurs voisins avaient mis en place la même sécurité. Leurs appâts disparaissaient, tous, chaque nuit. La bête maîtrisait, apparemment, la manière de libérer ses proies, car elle n'était plus consommée sur place, mais emmenée. Après que la corde qui les reliait au poteau ait été sectionnée et quelques gouttes de sang versées. Le stratagème finit par remonter jusqu'à l'état-major, et tous les membres s'accordèrent pour dire que la situation était pire qu'avant, puisqu'elle entraînait plus de morts, du côté des otages, de surcroît, et aucune perte chez l'ennemi. On conclut aussi qu'il devait exister plusieurs bêtes sauvages, puisque plusieurs villages, tous secteurs confondus, perdaient des otages. Ormain ne s'abaissa pas à leur dire qu'il avait été le premier à soulever le non-sens de l'idée de Grareuse, et soumit simplement la demande de lancer l'attaque dans tous les secteurs plutôt que d'attendre encore. Les pour et les contre furent presque les mêmes qu'au dernier vote, avec quelques anciens pour qui avaient rejoint l'avis d'Ormain cette fois, mais qui ne furent tout de même pas suffisants. Et le résultat du vote n'eut plus d'importance dès le lendemain, quand les résistants assaillirent, munis de quelques armes archaïques, les mercenaires, et que les otages eux-mêmes se révoltèrent. Bien sûr, il y eut des morts, des tueries, des ratés, des exécutions exemplaires, des incendies, mais uniquement dans un premier temps. Car dans un second, la tendance s'inversa, et les mercenaires, qui ne se rendirent pas, prirent la fuite dans la forêt. Ils furent débusqués par les résistants, pour les moins discrets, ou bien des jours plus tard pour d'autres. Et sans doute que certains surent s'éloigner suffisamment pour ne jamais être trouvés. Qu'importait, le continent Ayo était libre.